maintenant trop longtemps qu'il navigue de fille en fille, qu'il va où le mène le vent, sans voir au loin le phare qui scintille. À force de trop boire la tasse, son cœur s'est un peu asséché. Il ne conduit pas de brise-glace, alors il a du mal à aimer. Mais quel chemin doit prendre le vieux célibataire? Quelle voie doit-il emprunter? Entre l'océan, le ciel ou la terre, pour pouvoir enfin accoster. Ça fait maintenant trop longtemps qu'il court les jupes des demoiselles. S'il est devenu un sprinter gagnant, c'est tout à fait accidentel. À force d'amasser les trophées, le record n'a plus grande importance. Il préférait la course à pied pour se prouver qu'il a de l'endurance. Mais quel chemin doit prendre le vieux célibataire? Quelle voie doit-il emprunter? Entre l'océan, le ciel ou la terre, pour pouvoir enfin s'arrêter. Ça fait maintenant trop longtemps qu'il survole des histoires d'amour. Il pilote bien maintenant, il veut être commandant pour toujours. À force d'être parachuté ou d'être largué en pleine mer, c'est devenu pour lui une banalité de se cracher la gueule par terre. Mais quel chemin doit prendre le vieux célibataire? Quelle voie doit-il emprunter? Entre l'océan, le ciel ou la terre, pour pouvoir enfin se poser. Il en a vu des paysages, à pied, en bateau, en avion. Mais aujourd'hui, vu son âge, il voudrait trouver son lieu d'habitation. Il voudrait tourner la page sur sa vie de garçon.